Faire très attention, comme je dis, à certaines pensées qui viennent de gens issus de certaines cultures qui nous ont apporté la cabale, notamment. Parce qu'ils ont une vision cabalistique du monde. Puis c'est là où, étant donné que le cabalisme est une façon de prévoir, de calculer tout, puis de tout synthétiser, de tout, de faire attention. Parce qu'il n'est pas dit que c'est peut-être pas eux qui sont dans de la croyance imaginaire, qui prennent pour des réalités en nous apportant certaines choses, certains concepts comme ça, que c'est rien d'autre que de la philosophie. Oui, bien, quoi qu'il en soit, si je me trompe pas par rapport à Yuval Noah Harari, parce que j'ai écouté ses livres audio, de ce que je comprenais, c'est qu'il y avait plus une perspective athée, où ce que, dans le fond, pour lui, tout ce C'est qui est ça, je dis, de transcendant. philosophie. L'athéisme, ça vient d'où? Bonne question, je ne sais pas. Ben, c'est de la philosophie. On est dans des branches philosophiques. C'est-à-dire, on est dans. C'est pour ça là, que moi, je décroche tout de suite. La philosophie, là, j'en ai soupé. J'en ai plein le cul. C'est ça pour moi de l'imaginaire. Puis à mes yeux, c'est pas concret, là, cette masturbation intellectuelle-là, toutes ces affaires-là. Puis j'ai bien de la misère, entre autres, avec certains types de penseurs, entre guillemets. Puis justement, là, que c'est comme quelqu'un qui se dit athée, là, c'est parce qu'il comprend pas quelque part, là. Parce que un athée, dans le fond, là, ça, c'est un positionnement philosophique par rapport à d'autres concepts. Donc, on ne sort pas du conceptuel. Derrière les formes, il y a des aspects du réel, qu'on le veuille ou pas. Ne serait-ce que de l'énergie qu'on anthropomorphise par laquelle on donne une forme. Donc, à un moment donné, l'athée, là, c'est un positionnement philosophique, ça. Donc, ça reste dans l'intellect. Mais l'intellect, c'est juste une façon de conceptualiser le réel puis d'essayer de se retrouver. Comme Adam là, qui nomme les choses, qui pointe du doigt, mais dans le fond, c'est pas parce qu'on dit ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça, que on saisit la nature profonde puis qu'on a intégré les lois qu'il y a derrière ce qu'on pointe du doigt puis ce qu'on nomme. Pour moi, là, un athée, c'est aussi irréel que quelqu'un qui se dit, moi, je suis un croyant, puis quelqu'un qui se dit, moi, je suis un athée, pour moi, c'est aussi irréel un que l'autre. Oui, parce que dans les deux cas, c'est un positionnement philosophique. Ben oui, puis le réel, c'est pas de la philosophie. Nous, on est dans de la philosophie parce que on anthropomorphise l'énergie à travers notre intellect. Mais derrière ça, il y a ce qu'on pourrait appeler le réel, c'est-à-dire, je veux dire, c'est très limitatif, ça. Mais derrière, cette absence de croyance-là ou cette présence de croyance-là, il risque qu'il y ait derrière les formes, il y a des réalités qui sont appréhendées d'une façon en tâtonnant à travers la pensée réflexive. Mais il reste que, on peut pas dire, il y a des causes, il y a des effets sans cause. Ou il y a des causes sans effet, c'est juste que là, pour l'athée puis pour le croyant, c'est les mots qui changent. Ils n'ont pas les mêmes formes. Mais derrière tout ça, il y a des réalités il y a un réel qui ne peut pas être nié. C'est-à-dire que il y a une façon intelligente dont des lois qui font que l'énergie va se coordonner de différentes façons, de façon intelligente. Il y a de l'harmonie qui va se manifester, ça va suivre des lois. Puis que quelqu'un de croyant ou de croyant ou d'athée, ça ne change rien, ça. Je vois Exactement. pas. C'est pour ça que l'affaire, comme par exemple, la capacité de synthétisation peut servir. Mais il faut pas que ce soit le but en soi, là, au point de vivre dans un monde intellectué synthétique. C'est ça, de l'imaginaire, à mes yeux. Les gens qui ont le plus dénoncé l'imaginaire, c'est au sens de l'intellect qui se déconstruisait lui-même, puis à mes yeux, c'est justement s'enfermer dedans. Ça, c'est l'ultime subjectivité, C'est l'ultime l'intellect. paradoxe. Ouais. Mais Parce que, ouais. mais même là, tu sais, je veux dire, dans le réel, il ne peut plus avoir de paradoxe. Les paradoxes existent juste au niveau de l'intellect. Donc, c'est pour ça là, que toutes ces filles, c'est très impressionnant. Pourquoi? Parce que l'intelligence intellectuelle, ça fait partie des architectures du mental, c'est très, très impressionnant.